Léonce Vitariho. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principales articulations. Le Royaume de Belgique a la volonté de reprendre la coopération avec le Burundi. Déclaration faite ce mardi par l'ambassadeur de la Belgique au Burundi au sortir de l'audience avec le bureau de l'Assemblée nationale. On en parle en début de ce journal. Le tribunal de grande instance en commune urbaine de Mouha a prononcé ce mardi le jugement rendu à l'égard des auteurs présumés de la tentative d'assassinat contre le lieutenant général Prime Niyongabo, le chef des forces de défense nationale. Aubin Niyonguru nous en dira mieux dans cette édition. Le secrétaire général de la communauté est-africaine déclare que le dialogue inter-burundais d'Arusha est financé par cette communauté et non pas par l'Union africaine ou l'Organisation des Nations Unies comme pourraient le penser certains. Et puis, le secteur minier contribue à moins de 1% du produit intérieur brut. Le président de l'organisation PARSEM estime qu'il y a manque de cohésion au niveau de la régulation dans ce domaine. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à cette édition. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Le Royaume de la Belgique a la volonté de reprendre la coopération entière avec le Burundi. C'est du moins la déclaration de l'ambassadeur de la Belgique au Burundi au sortir de l'audience ce mardi avec le bureau de l'Assemblée nationale. L'ambassadeur Bernard Quintin reconnaît que les relations diplomatiques n'ont pas été au bon fixe suite à la crise sociopolitique qu'a connue le Burundi. Il indique cependant que 80% de la coopération sont encore en cours pour les programmes qui bénéficient directement à la population. L'ambassadeur de la Belgique répond aux questions d'Evariste Nzikobanyang. Avec l'équipe qui m'accompagnait, c'était la première visite, donc c'est de rentrer déjà dans le cadre des relations entre nos deux pays. Je pense que dans un pays, le rôle du Parlement et le rôle du Parlement dans une démocratie est absolument essentiel. Donc nous sommes venus échanger déjà un certain nombre de civilités et puis quelques éléments sur les relations entre la Belgique et le Burundi, sur l'amélioration de ces relations et sur le rôle que le Parlement burundais, mais aussi que les relations interparlementaires peuvent jouer dans ce cadre-là. Les relations diplomatiques entre le Burundi et la Belgique, très précédemment, n'étaient pas au bon fixe. Est-ce qu'aujourd'hui, comment est la situation ? Ce serait faux de dire que nous ne sommes pas passés par une période de turbulence. Heureusement, les turbulences ne durent jamais et quand on veut faire en sorte d'améliorer ces relations et qu'il y a une volonté de partager et d'autres, ce qui est le cas, et c'est ce que nous avons encore pu constater aujourd'hui, et bien à ce moment-là, on peut mettre en place les conditions, on peut faire les pas mutuels, les petits pas mutuels. Moi, je ne crois pas aux grandes révolutions, je crois aux constructions solides, et donc ça demande du temps, ça demande des petits pas, on construit sur des bases solides, donc les choses vont s'améliorant, et notre intention, et mon intention certainement comme ambassadeur de Belgique au Burundi, c'est de contribuer à cette amélioration. Il y a l'appui budgétaire qui a été bloqué suite à la situation sociopolitique qui s'est passée au Burundi, on peut croire que le Burundi sera appuyé. Mais le Burundi est encore appuyé. Je voudrais tordre le cou à ce canard que la coopération était totalement arrêtée. Ce n'est pas correct. Par exemple, même et malgré l'article 96 de l'accord de Cotonou que nous avons dû mettre en œuvre, pas par plaisir, mais parce que c'était, nous avons considéré au niveau européen que c'était une nécessité, dans le cadre du dialogue entre le Burundi et les institutions européennes et les États membres. Donc 80% de la coopération est encore en cours, donc pour des programmes qui bénéficient directement à la population. Maintenant, comme je le disais, nous n'avons pas d'autre volonté que de reprendre la coopération pleine et entière, mais cela se fait petit à petit, au fur et à mesure où les conditions sont remplies. Vous saurez que la délégation belge était dirigée par l'envoyé spécial de la Belgique dans la région des pays des Grands Lacs. Le tribunal de grande instance en commune Mouha de la mairie de Bujumbura a prononcé les peines contre les présumés auteurs de la tentative d'assassinat du chef des forces de défense nationale, le lieutenant général Prime Niyongabo. Les faits remontent à 2015. Certains d'entre eux ont été condamnés à l'emprisonnement à perpétuité et d'autres à 10 ans de servitude pénale. Aubin Niyonguru donne le compte rendu de l'audience. Trois des cinq présumés coupables de la tentative d'assassinat du lieutenant général Prime Niyongabo ont écopé d'une peine de servitude pénale à perpétuité prononcée ce mardi par le tribunal de grande instance en commune Mouha. Il s'agit de Nzoyihera Jean-Marie Vianney, Munzimana Elvis et Tombori Pascal. Les délits à leur charge sont le crime contre l'humanité, la détention illégale d'armes à feu, ainsi que la tentative de renverser les institutions. Namahungiro Pancras et Nizigimana Leonard, deux autres présumés auteurs, vont purger une peine de 10 ans de servitude pénale. Ceux-ci ont été condamnés pour avoir fourni de l'aide aux trois premiers en leur offrant un endroit où ils ont tenu une réunion et en leur donnant un logement. Primé Niongabo, le chef des forces de défense nationale, a été la cible d'une attaque sur la route Rumonge en commune urbaine d'Omoha en date du 11 septembre 2015. Merci Aubin. Le dialogue inter-burundais d'Arusha est financé par la communauté de l'Afrique de l'Est et d'autres bailleurs, mais non pas par l'Union africaine ou l'Organisation des Nations Unies. Ces propos sont de Libera Mfumukeko, secrétaire général de la communauté est-africaine, dans un point de presse animé ce mardi 28 mars lors de la clôture d'une réunion de deux jours qui a réuni à Bujumbura les hauts cadres de la communauté est-africaine et de la CIRGL. Il fait savoir que le rapport de Jamal Ben Omar au Conseil de sécurité des Nations Unies n'engage pas la communauté est-africaine. C'est un reportage signé Charles Makoto. La communauté est-africaine ne reçoit aucun dollar de l'Union africaine et de l'Organisation des Nations Unies en ce qui est du financement du dialogue inter-burundais. Ces propos sont de Libéran Fumukeko, secrétaire général de la communauté est-africaine lors de la clôture d'une réunion de deux jours qui a réuni les hauts cadres de la communauté est-africaine et de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL. À propos de la présentation de Jamal Ben Omar au Conseil de sécurité des Nations Unies, Libéran Fumukeko dit que ses propos n'engagent pas la communauté est-africaine. Nous avons eu des contacts réguliers avec les Nations Unies et l'Union africaine. Nous avons essayé depuis de mettre en place des termes de référence et même d'avoir un protocole d'accord avec les Nations Unies et l'Union africaine qui pourrait, on va dire, formaliser notre relation et définir notre collaboration. Pour l'instant, nous n'avons pas finalisé ces travaux-là. Il n'y a pas de protocole d'accord, de termes de référence qui sont signés par la communauté est-africaine. Maintenant, pour ce qui est du financement qui serait reçu par l'EAC de ces deux partenaires-là, j'aimerais juste vous dire que pour l'instant, la communauté est-africaine ne reçoit pas un dollar des Nations Unies ou de l'Union africaine. Les travaux jusqu'à aujourd'hui qui sont réalisés par l'EAC en faveur du dialogue inter-burundais ont été financés par des fonds qui proviennent soit de la communauté ou par d'autres bailleurs. Et si je peux aussi compléter les rapports qui ont été donnés par M. Jamal Ben Omar, ce sont des rapports qui ne nous lient pas. Nous ne sommes pas associés à ces rapports-là. De son côté, le secrétaire général de la CIRGL a indiqué que les deux organisations vont désormais travailler en synergie et cela permettra de conseiller les différentes autorités des pays membres. Quand nous travaillons ensemble, dit Zakari Mubulu Mouita, il est facile d'arriver rapidement à des résultats et répondre aux missions qui sont assignées à nos organisations. Il fait savoir qu'il est important pour les nombreuses organisations régionales et sous-régionales de coordonner leurs efforts pour qu'il n'y ait pas chevauchement. Merci Charles Makoto. Le ministère de l'Intérieur vient d'accorder un délai supplémentaire d'un mois à la population urbaine qui devait déclarer et payer l'impôt foncier avant le 30 mars 2017. Dans une interview accordée à la radio Isanganiro, le maire de la ville de Bujumbura a fait savoir que la décision tombe après que la mairie ait constaté que le nombre de demandeurs de ces services ne cesse de s'accroître en ces derniers jours du mois en cours. Suivez. Nous venons d'annoncer à la population urbaine que l'impôt foncier qui devait normalement être déclaré et payé avant le 30 mars 2017, un délai supplémentaire d'un mois vient d'être accordé par ordonnance ministérielle signée par le ministre de l'Intérieur et de la Formation patriotique, étant donné que les ordonnances d'application sont du ressort du ministre de tutelle. Nous avons demandé au ministre pour qu'il nous accorde ce délai, surtout que la population urbaine n'avait pas encore terminé à déclarer et à payer l'impôt foncier et qu'ils ont une mauvaise habitude de venir à la dernière minute. Et cela fait qu'on a des problèmes de les recevoir en même temps. Et nous pensons qu'à la fin du mois d'avril, tout le monde aura déjà déclaré et payé l'impôt foncier pour ne pas subir des pénalités. Pour ceux qui ne le connaissent pas, en quoi consiste l'impôt foncier et qui sont redevables à cet impôt? Un impôt qui est taxé ou qui est imposé à toute personne ayant une parcelle vide ou construite. Ça veut dire que quand vous déclarez la partie bâtie, la partie non bâtie. Mais il y a aussi des gens qui ne sont pas concernés, notamment les biens de la commune, les biens de l'État, ainsi que les biens des églises, mais qui ne génèrent pas d'intérêt économique. Mais il faudrait aussi ajouter que toute personne qui a une maison en construction, qui déclare à la mairie, après son achèvement, on lui donne une durée de 2 ans. Pendant cette période, il ne paie pas cet impôt. Il n'y a pas d'arrestation des membres de la coalition Amizero Yabarundi, mais celle des malfaiteurs. L'assistant du ministre de l'Intérieur fait savoir que si aujourd'hui on parlait de persécution à l'endroit des fidèles d'Agathon Rwasa, c'est plutôt la politique de solidaire politique. Terence Nahiraja explique que partout dans toutes les communes du pays, des arrestations se font sans distinction d'appartenance politique. Terence Nahiraja, au micro de Francine Ndiokoubgaï. Le leader politique Agathon Rwasa a adopté une politique de travailler dans la psychologie de ses membres comme quoi il parle au peuple burundais, il parle au gouvernement, ce qui est totalement faux. Et les membres de la misère sont des Burundais comme les autres. S'il y a des arrestations, on n'arrête pas seulement de la misère à Burundi. J'aimerais vous informer que le Burundi est composé de 18 provinces, 119 communes et environ 3000 collines. Partout dans toutes les communes, s'il y a des gens qui commettent des erreurs, ils sont arrêtés, ils sont jugés conformément à la loi, ils se corrigent, mais ce n'est pas les amis de la bande qui sont seulement attrapés. Je sais que les formations à la source sur le cas de la commune de Gasenyi, commune Yalosange, province de Kitega, quand il y a eu assassinat d'un vieil homme, et parmi les gens arrêtés, ce ne sont pas les gens d'amis de la bande, mais il y a également les membres d'autres partis, même ceux des partis au pouvoir, qui sont soupçonnés. Pour vous, ce qui se passe, c'est la politique de l'honorable Agathon Rwasa. C'est toute une stratégie politique de garder toujours le groupe Doja ensemble pour qu'ils ne partent pas dans notre parti politique. Ici, c'est pourquoi j'aimerais faire un clin d'œil à tous les Burundais, que ce soit du CNDD, d'Amizero et des autres partis, de se mettre ensemble et d'être libre d'adhésion des partis politiques ou dans d'autres associations. Si aujourd'hui il s'agit de sa politique, comment alors se fait-il qu'à chaque fois il y ait des gens de sa coalition qui sont parmi les gens arrêtés? Pas du tout. Au moment où je vous parle, il peut y avoir des associations dans 10 provinces. C'est pas partout, il y a déjà d'Amizero. Mais seulement, s'il y a quelqu'un d'Amizero, on dirait que c'est la fin du monde. Toute personne qui commet une faute, quelle que soit son origine, son appartenance politique, il doit être jugé et sanctionné conformément à la loi. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Certains représentants des étudiants de l'Université du Burundi ont été convoqués pour se présenter au service et chargé de la sécurité à partir de ce mardi. Le motif de cette interpellation est d'identifier les signataires de la récente correspondance adressée au président de la République demandant la révision du décret en rapport avec la gestion des bourses d'études et de stages. Le directeur de la régie des œuvres universitaires affirmait que la liste des signataires contient des irrégularités. Il précise toutefois qu'il n'y aura pas de sanctions à ce sujet. L'on apprend finalement que les représentants des étudiants du campus Kilili qui étaient au rendez-vous ce mardi ont refusé d'être entendus. Ils protestaient contre une affiche d'identification qu'on leur a d'abord exigé de compléter et sur laquelle figure le nom et le prénom de l'individu, son numéro de téléphone ainsi que sa résidence. Le directeur général de la police de la protection civile tranquillise les victimes des pluies torrentielles qui hésitent de retourner chez eux, car selon lui, plusieurs institutions et leurs partenaires sont à pied d'œuvre pour résoudre leurs problèmes. Le commissaire de police Antoine Nemako demande surtout à cette population abritée dans les locaux de l'Ecofo ou Télélé d'éviter un bras de fer avec l'administration et de leur faciliter la tâche. Et à propos des cours d'eau provenant des montagnes surplombant la capitale Bujumbura qui risquent de provoquer encore plus de dégâts, Antoine Nemako fait savoir que des projets à ce sujet sont en cours. Suivez le commissaire de police Antoine Nemako. Il répond aux questions de Pascal Nyoyangunze. Son Excellence le Premier Vice-président de la République a instruit à ce que cette population qui est victime de ces inondations et de ces maisons soit assistée près des parcelles où ils étaient. Les premières assistances ont été données en vivres, les tentes ont été distribuées et on demande à ce que cette population soit assistée près où ils étaient. Donc ils doivent quitter l'école fondamentale de Kouboumé pour éviter les éventuelles épidémies. Donc il n'y a pas d'assistement nécessaire pour une si grande population. Certains d'entre eux disent qu'ils sont des locataires et que leurs bailleurs leur ont refusé l'installation des tentes dans leur parcelle. Comment comptez-vous résoudre ce problème? Effectivement, ce problème a été posé. Donc, plusieurs maisons qui ont été détruites et était occupé par des locataires. Donc les propriétaires n'ont pas voulu que les locataires n'érigent pas des tentes qui ont été données là où ils étaient. Il faut que maintenant l'administration sache où les mettre. On a instruit l'autorité administrative au niveau de la zone et au niveau de la commune d'Hangwa à chercher où installer cette population près des parcelles où ils étaient. Donc il faut que maintenant ils sachent donc suivre les recommandations données par l'administration. Que faites-vous au sein de votre institution pour éviter que d'autres catastrophes liées aux pluies torrentielles dans la ville de Bujumbura et plus particulièrement dans les quartiers du Nord ne fassent plus de victimes? Ici à mairie de Bujumbura, vous voyez que dans les hauteurs, les contreforts, les bassins versants, ce sont des contreforts de nidés où le gouvernement a déjà pris des mesures de protection des bassins versants par le boisement, par le renforcement des rivières passant par la ville de Bujumbura. Les projets sont en cours, donc le gouvernement a déjà pris le premier à main, appuyé par les partenaires internationaux dont la Banque mondiale. Le secteur minier au Burundi contribue à moins de 1% du produit intérieur brut et ne dépasse pas 10% des recettes d'exportation. Le président de l'organisation PARSEM, qui appelle les Burundais à changer de mentalité, explique qu'il n'y a pas de cohésion au niveau de la régulation de ce secteur. Un secteur miné de corruption, ajoutait-il. Le retard de l'adhésion du Burundi à l'initiative de transparence des industries extractives dénote une gestion opaque. Suivez Faustin Dikou. Kumana, président de la PARSEM. Le sol burundais regorge beaucoup de ressources minières. Il est évident, il y a les minerais toitées, il y a l'or, il y a le nickel, avec des réserves importantes. Notamment, on parle que le Burundi regorge 6% des réserves du nickel au niveau mondial. Mais malheureusement, le constat est que ce secteur contribue à une minorité, une infimité à la production intérieure brute. Imaginez-vous, le secteur minier ne dépasse pas 1% du PIB au Burundi. Ne dépasse pas 10% des recettes d'exportation. 0,00% des recettes budgétaires. Pourquoi? Parce que le secteur minier, pour qu'il aboutisse à des résultats concrets, il faut avoir assaini au niveau de la gestion des affaires publiques, il faut avoir assaini les questions liées à la corruption. Parce qu'un pays corrompu ne peut jamais gérer le secteur minier afin que celui-ci puisse contribuer au développement national. Maintenant, il apparaît qu'il n'y a pas de cohésion au niveau de la réglementation, au niveau de la régulation de son secteur. Chaque entité administrative veut gérer à sa guise parce qu'il y a des profits qu'on y tire. Des fois, on dit que le bien ne parvient même pas à maîtriser le nombre de gestionnaires de coopératives minières qui s'introduisent pour exploiter, même artisanalement, certaines pierres précieuses, comme l'or ou autre. Il y a un problème d'adhésion à l'initiative de transparence des industries extractives. Cela montre que ce retard montre la réticence des autorités à développer de la transparence dans son secteur. Parce que même aujourd'hui, outre cette exploitation artisanale, même le quand on octroie les marchés au niveau de l'exploitation, au niveau des permis d'exploitation, ça se fait dans l'opacité. Et même les gens avoisinant les régions d'exploitation minière ne sont pas informés. C'est géré dans l'opacité. On dirait qu'il y a un groupe d'hommes qui sait quoi ils tirent, qui essaie d'en faire un apanage pour eux. Pour Faustin Dikoumana, la part de l'exploitation minière du Burundi devrait ressortir dans le budget général de l'État. Des files d'attente devant les stations-service commencent à se manifester dans la ville de Bujumbura. Les automobilistes voulant s'approvisionner en essence demandent que cette pénurie, apparemment artificielle, trouve une solution dans les meilleurs délais. Un arrêt des activités est inévitable pour les conducteurs de taxis et de motos. Le constat de notre consoeur Ali Dandaïkeza. Les différentes stations que nous avons visitées, comme celle appelée communément chez Katikati, au centre-ville de Bujumbura, il n'y avait pas de distribution du carburant. À la station Kobil d'Omtanga Sud et Engen d'Omtanga Nord, il n'y avait aucun véhicule. La station Engen se trouvant à la gare du Nord, il n'y avait même pas de pompiste. Une longue file d'attente de véhicules était à la station Kigobe City Oil. Les demandeurs de ce produit disent avoir passé beaucoup de temps à attendre qu'il soit servi. Nous sommes arrivés très tôt pour chercher du carburant. Il y a des heures que nous sommes ici. Vous voyez qu'il y a du désordre. Il y a des gens qui se battent. Il y a même eu des accidents. On ne sait même pas quand on sera servi. On était passé à la station Topoan, mais il y avait beaucoup de personnes et on a préféré venir ici pour attendre. On a continué notre chemin en nous rendant à la station Topoan de Kigobe et là, les consommateurs dénoncent le favoritisme qui y est opéré. Ce qu'on observe ici, ça dépasse même notre entendement. Tu peux avoir un bon ou de l'argent, mais tu manques le carburant. Tout dépend des affinités que tu as avec le personnel de la station. On ne sait pas à quelle heure on va être servi, parce que dans le pompe, nous avons qu'il y en a. Et pourtant, les personnes qui passent à côté avec des bidons et des, ou avec leur voiture, ils le reçoivent facilement. Depuis le matin que je suis là, je ne peux pas me déplacer vers une autre station à bord de ma voiture parce que je n'ai pas de carburant. Et ailleurs aussi, on apprend qu'il y a des files d'attente. Même s'il se remarque une pénurie du carburant dans la ville de Bujumbura, il y avait eu une révision du prix de ce produit au début de cette année. Radio Isanganiro Chronique. La chronique santé de ce mardi vient compléter celle de la semaine dernière sur l'accident vasculaire cérébral. Le cardiologue Constantin Nyamuzangura indique que parmi les principales complications de la maladie figure une paralysie ou une mort de la personne ayant eu cette attaque cérébrale. Mais traitée à temps, la personne touchée peut récupérer ses fonctions. Francine Diokoubgaï. L'accident vasculaire cérébral, comme défini dernièrement par le cardiologue Constantin Nyamuzangura, est une défaillance de la circulation du sang qui affecte une région plus ou moins importante du cerveau. Cet accident survient soudainement et fait qu'une personne bien portante se retrouve d'un coup avec une paralysie. En cas d'AVC, il faut agir dès les premières heures. Le cardiologue Constantin Nyamuzangura nous présente trois principaux cas de figure si la personne n'arrive pas tôt à l'hôpital. Elle peut arriver avec ce qu'on appelle un accident vasculaire cérébral constitué, c'est-à-dire il a des premiers signes à la maison, des sortes de fourmillements, de perte de sensibilité, et il arrive à l'hôpital déjà paralysé. C'est un cas de figure, et à ce moment-là, avec un accident vasculaire constitué, on ne peut pas faire grand-chose sauf la rééducation et la prévention d'un nouvel accident vasculaire cérébral. Ou alors, la personne arrive à l'hôpital, c'est le cas le plus chanceux, disons, et récupère totalement, c'est l'accident vasculaire cérébral ischémique transitoire. Et à ce moment-là, il faut prévenir qu'il n'y ait plus d'autres crises. Et il y a des traitements pour ça. Mais dans le pire des cas, c'est un patient qui arrive à un stade avancé, n'ayant reçu aucun traitement et qui rentre dans un tableau neurologique sombre, comme le coma, et ça peut aller jusqu'au décès. Le cardiologue Constantin Nyamuzangura nous parle du traitement d'un patient qui a fait un AVC. La première chose, dans la mesure du possible, c'est de pouvoir faire le diagnostic différentiel, c'est-à-dire savoir quel type d'accident vasculaire cérébral le patient a présenté. Et un examen clé, c'est le scanner cérébral avec injection, si possible. Et à ce moment-là, on sait que c'est une artère qui est bouchée ou alors si c'est une artère qui a éclaté, qui a donné de l'hémorragie. Si le patient est vu tôt, il peut bénéficier d'un traitement thrombolytique, c'est-à-dire un traitement qui va essayer de dissoudre le caillot au niveau de l'artère. Sinon, il peut bénéficier de traitements anticoagulants pour fluidifier le sang, pour pouvoir permettre au sang de rester fluide. Mais sinon, si c'est un accident vasculaire hémorragique par poussée à coup hypertensif, à ce moment-là, à l'hôpital, on va essayer de réduire la tension artérielle. Il y a toujours moyen de prévenir l'AVC du moment qu'il y a des facteurs de risque modifiables. C'est notamment la meilleure prise en charge de l'hypertension et du diabète. On conseille à nos patients de contrôler les chiffres de la tension et de la glycémie. C'est notamment l'éviction des facteurs de risque comme le tabac et l'alcool. C'est notamment le traitement des pathologies cardiaques pourvoyeuses d'accidents vasculaires cérébraux comme la fibrillation auriculaire ou l'arythmie cardiaque. Les patients ou les personnes à risque doivent faire des consultations régulières chez leur médecin afin de prévenir ou alors d'équilibrer leur pathologie. Mais sinon, les facteurs de risque non modifiables comme l'âge et le critère familial, on n'y peut rien. Les conséquences d'un AVC étant souvent sérieuses, il est important d'agir rapidement lorsqu'il se produit. Sinon, la prévention reste la meilleure option, selon le cardiologue Constantin Nyamuzangura. Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à François Kimana pour la collaboration technique. Excellente soirée à tous. Au revoir.